Enfants de tout pays, bonjour! Vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy 94.2. Xavier à la technique, Daniel à votre compagnie, pour vous présenter Patchwork numéro 45, à l'écoute des musiques du monde, émission enregistrée à la maison. Et la programmation d'aujourd'hui vous propose un voyage au Costa Rica, une promenade autour du mot « café », trois coups de chapeau à Grim Allwright qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, et le tout étoilé de Zouk Antillé. Zouk Antillé, eh bien oui, en voilà. Chanson magnifique, petit bijou, très belle voix, un son sublime, nous découvrons un très bon artiste avec ce Zouk de 2020, Elementou Carbetti. Le Costa Rica, que l'on peut traduire par « côte riche », est une république constitutionnelle unitaire d'Amérique centrale avec un régime présidentiel. La majeure partie de son territoire est située sur l'isthme centre-américain, encadré par la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique, le Nicaragua et le Panama. Et puis les îles Coco, à 500 km des côtes, font aussi partie du territoire. Une superficie de 60 000 km², soit le dixième de la France, pour une population de 5 millions d'habitants. Saint-José, c'est la capitale, avec une agglomération de 2 millions d'âmes. D'autres villes importantes, Limón, San Francisco de Heredia et Alajuela de Liberia. La langue officielle, c'est l'espagnol. Et la monnaie, le colon. La devise, que vive pour toujours le travail et la paix. Ah, le Costa Rica est souvent surnommé la Suisse de l'Amérique centrale. En effet, c'est un pays neutre, qui est d'ailleurs la première nation du monde à avoir constitutionnellement supprimé son armée. L'économie est dépendante du tourisme, bien sûr, de l'agriculture et de l'industrie des techniques de pointe. Bananes, café, sucre, cacao et ananas. C'est le pays préféré de nombreuses multinationales, par exemple, pour installer leurs entreprises de services. On va trouver là-bas Procter & Gamble, Coca-Cola, Intel, Hewlett-Packard, Sony, Amazon, Western Union, Food Company, etc., etc. Et le Costa Rica, avec le rayonnement solaire, l'énergie éolienne et la géothermie, a pratiquement atteint les 100% de ses besoins en électricité par l'énergie renouvelable. Eh oui. Salaire moyen mensuel, 800 euros. Une chanson, Costa Rica. Me vale un cu, los ajenos. Y si me dicen que estoy loco porque bailo, no me interesa, lo que quiero es disfrutar. Yo no me meto ni con vos ni lo que hagas, déjame loco, lo que quiero es bailar. Algunos dicen que esta vida es muy jodida, y es porque viven con corbata y con estrés. Y si algún día la vida te da la espalda, nalguéala duro pa' que sepa cómo es. Mueve tu cuerpo a lo de la noche, y que se sienta que lo estás pasando bien. Mira la vida, dura solo un ratito, dame la mano y venítelo también. Porque bailo, no me interesa, lo que quiero es disfrutar. Yo no me meto ni con vos ni lo que hagas, déjame loco, lo que quiero es bailar. Algunos dicen que esta vida es muy jodida, y es porque viven con corbata y con estrés. Y si algún día la vida te da la espalda, nalguéala duro pa' que sepa cómo es. Mueve tu cuerpo a lo de la noche, y que se sienta que lo estás pasando bien. Mira la vida, we'll be right back.

Que faire, que voir au Costa Rica? Le Costa Rica, c'est le programme d'une échappée sauvage au cœur d'une nature intacte et majestueuse où les couleurs et la chaleur des tropiques vous explosent en plein visage. Entre montagnes, volcans, plages et forêts primaires, le pays offre une diversité de paysages naturels, mais alors tout à fait étonnants. On ira au parc naturel du volcan Paz, culminant à 2700 mètres. Son cratère principal est large de 1500 mètres de diamètre et il abrite un lac d'acide et rejette en permanence de nombreuses fumerolles. Et puis le village de Tortuguero, petit paradis perdu, véritable sanctuaire de la vie sauvage, il est mondialement connu pour sa plage de sable noir sur laquelle viennent pondre les tortues luttes. Les plus téméraires d'entre nous embarqueront à bord d'un kayak pour parcourir la multitude de canaux qui s'enfoncent dans la jungle et pourront observer des caïmans, des singes ou encore des paresseux. Eh oui, on peut observer des paresseux au Costa Rica. Samara est la péninsule de Nicoya, une plage incontournable, splendide, baignade la journée et les soirs venus la fête dans de nombreux bars de plages de village. Paradis des surfeurs, la barrière de corail protège la plage des vagues puissantes de l'océan Pacifique. Et puis le Cerro Chiripo, un massif culminant à 3820 mètres, on ne manquera pas de se rendre au petit village de Gerardo, qui offre une halte de montagne particulièrement rafraîchissante et des décors qui diffèrent totalement de ceux de la plaine. Il y a aussi le parc national du volcan Arenal. Sa dernière éruption remonte à 1968 et a duré 42 ans. Des sentiers balisés pour accéder à la forêt tropicale et aux sources chaudes de la Fortuna, un bon bain naturel sera apprécié. Encore un parc, le parc national de Manuel Antonio, pour aller à la rencontre des paresseux encore, des capucins moines et des pélicans. Et puis une sortie en mer permettra d'observer les dauphins et les baleines. Allez, une chanson Costa Rica, Bonita, Los Garbanzos. We'll be right back. Deuxième coup de chapeau à Gwen Albright. La chanteuse Colette Mani, qui devint son amie, le remarqua et le présenta à Mlungi, qui le poussa à enregistrer son premier disque. Un passage à Bobino, en première partie de Barbara, lui donna son heure de gloire, et dans les années 60, il adapta les chansons de nombreux artistes, dont Bob Dylan. Une belle et longue connivence l'a également lié à Leonard Cohen. Il a passé des nuits entières à travailler sur la juste traduction française des lignes du maître. Oh, c'était très important cette rencontre avec Cohen. J'ai senti tellement fortement son monde. La mer est immense, Gwen Albright. Je n'ai pas d'aile pour la survoler. Préparez-moi un bateau pour deux. Nous ramerons mon amour et moi. Navire, je vois qui fend les flots. Charger à bord, et je ne sais si cet amour que j'ai en moi dans les abîmes m'entraînera. Contre un jeune chêne, je me suis appuyé, pensant qu'il pourrait résister. Mais hélas, il a plié comme un amour, il s'est brisé. Dans un buisson, j'ai posé ma main, croyant tendre fleur y trouver. Mes doigts aux épines, j'ai blessé la tendre fleur est tombée. L'amour est joie, l'amour est beauté. Ainsi les fleurs en le matin. Mais l'amour passe et disparaît comme de la fleur rosée d'été. Xavier, toi qui es un amateur de café, peux-tu nous dire ce que le café de Costa Rica a de particulier ? Ah, on ne sait pas tout. Eh bien, les grains de café du Costa Rica sont considérés comme parmi les meilleurs du monde. Et bien que la production du café de Costa Rica soit une source importante de revenus, elle n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes environnementaux. Le principal impact, c'est la pollution des rivières au cours du traitement du café, et en particulier à la fin du processus de séchage. Environ 50% des grains de café se composent d'éléments contaminants qui détruisent la faune sauvage dans les rivières. Alors, en attendant de vous passer un jour une chanson qui dira « Mais qu'est-ce que tu as mis dans la rivière ?» Eh bien, nous allons écouter « Mais qu'est-ce que tu as mis dans le café, Antoine ?» soir, viens chez moi. L'hiver est chaud là-haut, chez moi. Il fait si froid dans les rues. Tu as l'air un peu perdu. Tu m'as dit, tu seras bien mieux si tu viens au coin de mon feu. Je peux t'offrir un café. Et c'est de bon cœur, tu sais. Mais qu'est-ce que tu as mis dans le café pour qu'il me fasse tant d'effet? Je sens quelque chose d'étrange m'embouter. Si c'est un poison, j'en mourrai. Je ne peux pas me rêver. Le jour ni l'heure, mais je sais que pour mon bonheur, je ne peux plus me passer de toi et de ton café. Mais qu'est-ce que tu as mis dans le café pour qu'il me fasse tant d'effet? Je sens quelque chose d'étrange m'embouter. Un poison, j'en mourrai, mais je ne peux pas me rêver, parce que la mort serait si douce à ton côté. Ce matin, j'ai pensé à toi, la première fleur entre les doigts. Voilà déjà le printemps, tu restes avec moi pourtant. Mais qu'est-ce que tu as mis dans le café pour qu'il me fasse tant d'effet? Je sens quelque chose d'étrange, je m'en doutais. Si c'est un poison, j'en mourrai, mais je ne peux pas me rêver, parce que la mort serait si douce à ton côté. Il y a plusieurs Dev dans le showbiz. Oui, il y a Dev, le chanteur d'origine hollandaise, passionné de Scrabble, qui chante Vanilla. Et puis, il y a un Dev qui chante du zouk. Alors, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Dev du zouk. Un zouk de 2020, sorti à l'occasion de la Saint-Valentin, Steely Dev. Thank you. Bon appétit, madame, bon appétit, monsieur. Les spécialités et la cuisine au Porto Rico. Tout d'abord, le gallo pinto, qui pourrait se traduire par le coq peint. Peint, le coq peinturé, si vous préférez. Avec des haricots noirs, du riz, des œufs ou de la viande, avec des aromates et accompagné de galettes de farine de maïs et de bananes plantains frites. C'est le petit déjeuner classique. Ce n'est pas l'ami ricoré, c'est l'ami gallo pinto. Le casado, traduction, la mariée. C'est du riz et des haricots servis avec une salade de choux ou de betteraves, du poisson ou de la viande. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le casado est traditionnellement le plat qu'une bonne épouse prépare à son mari. Autrement dit, si elle ne sait pas faire du casado, alors c'est même pas la peine d'insister. Le picadillo, une sorte de ragoût de légumes, tous découpés très finement. Les bocas, des amuse-bouches locaux, à base de couenne et de porc, frites. La ceviche, un plat de poisson cuit, dans du jus de citron, avec oignon et coriandre. La soupe Olila de Cam, qui peut se traduire par la marmite de viande, du bœuf mijoté avec carottes, manioc, patates douces, bananes plantains et épis de maïs. Et puis alors la sopa negra, on la traduit par la soupe noire, à base de haricots rouges ou noirs, poivron rouge, ça c'est pas pour moi, origan, céleri et oignon, et se consomme avec des œufs durs et de la coriandre fraîche. Palourde des mangroves, viande d'agouti, ignam, fleurs d'itabo ou de yucca, arrakash, c'est un tubercule, et le perbat, le fruit d'un cœur de palmier cuit au préalable. Eh ben, une chanson Costa Rica, Tusa Carol G. ¿Qué pasa contigo? Dímelo. Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le pagó mal. Está dura y abusa. Se cansó de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal. Mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holler. Holler. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J-O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys when I say a bayo. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met it yet. Ayo, tell him to back off, he wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Carol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión. No. Minaj, eh. The Queen, we're the Queen. Maintenant, du grand Michel. Oh, du grand Michel, au sommet de son art. Que de chemin parcouru depuis l'époque des blousons noirs et du jus de chaussettes noires. Tu peux préparer le café noir, Eddie Mitchell. On fait comme on a dit, tu restes encore 8 jours, le temps de vous trouver. Amour, j'ai pas grand chose à dire, pas trop de conseils à donner. Mais tu devrais réfléchir, les larmes t'as déjà donné. Tu peux préparer le café noir, tes nuits blanches et même ton mouchoir. Il est pire que moi, tu le sais bien, et je suis déjà pas un saint. Je ne t'avais pas promis mes plus belles années, elles sont loin derrière moi, mais le passé, c'est le passé. L'important aujourd'hui, bien sûr, c'est ton bonheur, mais je le vois mal parti avec cet oiseau de malheur. Tu peux préparer le café noir, tes nuits blanches et même ton mouchoir. Il est pire que moi, tu le sais bien. On fait comme on a dit, entre nous c'est net. Tu seras l'ami de mon ami, je serai de faire avec. Et si je tiens pas la route, je sais où vous trouver, la nuit ou l'insomnie fera que j'ai envie de vous parler. Tu peux préparer le café noir, tes nuits blanches et même ton mouchoir. Il est pire que moi, tu le sais bien, et je suis déjà pas un saint. Que ramener du Costa Rica? Ah, tout d'abord une route charrette, oui, une route charrette miniature, c'est le symbole national. Ou alors des poteries de formes variées, on en profitera pour tenter de découvrir les secrets de fabrication, incluant la cuisson avec des méthodes anciennes. Et sur les marchés dans chaque village, on trouvera aussi des textiles divers, des hamacs tissés à la main, des statuettes d'animaux, ou encore des bois et des vases très variés. Surprenant, n'est-ce pas, les masques Boruca, peints sur bois, ainsi que les chapeaux Utar. Du café, bien sûr, et ses nombreuses variantes, confitures, épices, aromates et produits à base de macamédia. Un CD de musique locale, meringue et salsa, de quoi retrouver toute l'ambiance locale jusque chez vous. Camarero, Andra Desemer Bueno.

troisième coup de chapeau à Graham Allwright. Troubadour humaniste et contestataire, s'est envolé le 16 février 2020 à l'âge de 93 ans. Il faut que je m'en aille, Graham Allwright. C'est pas fini, on peut chanter quand le verre est bien rempli. Tu vends encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles, ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Souviens-toi de cet été, la première fois qu'on s'est saoulé. Tu m'as ramené à la maison en chantant, on marchait à reculons. Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles, ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Je suis parti changer d'étoile, sur un navire j'ai mis la voile, pour n'être plus qu'un étranger, ne sachant plus très bien où il allait. Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. Je m'ennuie pas, mais il faut que je m'en aille. Je t'ai raconté mon mariage à la mairie d'un petit village. Je rigolais dans mon plastron, quand le maire essayait de prononcer mon nom. Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles, ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Je n'ai pas écrit toutes ces années. Toi aussi, t'es marié, t'as trois enfants à faire manger, mais j'en ai cinq si ça peut te consoler. Tu vends encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. Ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Et c'est ainsi que s'achève Patchwork numéro 45 à l'écoute des musiques du monde. Merci à Xavier pour la réalisation technique et merci à vous, les auditeurs, de nous avoir accompagnés. Eh bien, nous vous laissons en aimable compagnie de Thierry pour son émission Discothèque Classique. Au revoir, à dimanche prochain, 10h.